On poursuit avec le hip-hop. On continue. Avec Ono. Ono, qui avait déjà sorti un premier album il y a 2-3 bonnes années, hein, parce que le temps passe vite hein, pour tout le monde. Ono, c'est le petit frère de Madlib, donc personne est perdu. Ce nouvel album, on va dire, hein, c'est vraiment la synthèse de ce qu'il a pu faire précédemment, mais en mieux. Voilà, c'est vraiment un superbe album de hip-hop avec des collaborations, des guests bon plutôt connus. Hein, on retrouve Blue, on trouve Gangrène, on retrouve, je vais manger évidemment, la plupart. C'est chez Stone Throw toujours. Et chez Stone Throw. Plus que jamais, et voilà, on est entre balades, samples, soul et abstract hip-hop, mais aussi quand il y a du flow dessus, c'est vraiment des purs tubes. On va écouter un premier extrait de cet album dont je retrouve pas le nom, qui s'appelle Disturb Ads, voilà, qui est sorti en ce début d'année 2013. Moi, je l'aime beaucoup, je pense que vraiment là, il est au niveau du grand frère, ou pas loin en tout cas, et je tire mon chapeau à Ono dans le secret du samba. Shaking the dummies who approach. Billionaire boy club brilliance. If you didn't notice, sipping Lotus, getting open off the notion with the flow constant like the whole ocean roller coaster. Super Cali, dope shit. Doing my ditty niggas can jigger for the moment. Doper than anybody you ever heard before. Spit, smoking anybody riding on my coach. Roaches, get with them coaches. Running niggas hopeless. Penny with a hole in it. Damn. It's a nigga with a plenty bitter soul in him. Cause be rhyming like they never sold wisdom. Like a old nigga, big body with it. Times get hard and she sit right by me. And it mind me of a goddess. I should bring God out of nigga. I be in the tropics like the metropolis. Rockin' niggas noggin' like dives with the cream like Haggis. Hoppin' out the pilot is a problem. Didn't think so, that ink is worth an island. I be trying to niggas, flying to niggas so vibrant. All high yellow rollin' with a pretty violet. Timeless watch, my ditty don't stop, my comp hopping out the sloths and hop Jones. Locally approach all spark plugs. total disregard, more dying man, shark jump. Post meridian, pretty tungsten attracts anyone's bail or spinning gun metal, black face masking, pork shelled ebony propeller hat, clubbins, glove breaks, grapple in a clutch span. Tuck but a steel toe, metal gate spreading, put a dead alive that rented parking space 37. 2000 out the weekly under cycles to Gehenna, gets him floating over 20 buses, fireproof and festive. Corners like a two-tired tiger, so a two-tired rider can accumulate a few excited fibers to assign. Nose, no zen and an art of maintenance. Only as the orchestrated patron Santa changing lanes, baby. Here's how a great escape goes when you can't take your dead friend's names out your phone. Eyes and teeth, new moon on a scale of the five belief. Outside what our fundamental sciences teach. Every other mighty lion asleep. Gangway, mine eyes, mine teeth. Gangway, mine eyes, mine teeth. Gangway, mine eyes, mine teeth. The man ape translates glam through the visor. Goes in, what are Lily's amps, Grace Geiger and Man Ray. Crammed in a one-player campaign. Blinker like a hallow bonfire over Sam Haynes. Span when I'm praying hands, man. Mars an extension of the arms. They're mutating instead of being farmed. Tonight beneath a marmalade Venus. Haunted mowers chewing every glowing yard of mud between us. Going for Jag Dotson, Corvette Lotus. Full cones, you can slalom when your Zorlax focused. Via mechanical Dartmoor, Frankenstein poorly. It's sanctioned by a new Yank Yorkie. Who knew that any moment he could lose it to the decoupage of suicide flooring. And still he keep his fuel tank portly. The 30-odd-year-old gear stank Charlie. The scarf dank mom's new hobby, copy. Eyes and teeth, new moon on a scale of the five belief. Outside what our fundamental sciences teach. Every other mighty lion asleep. Gangway, mine eyes, mine teeth. Gangway, mine eyes, mine teeth. Gangway, mine eyes, mine teeth. Less of an act of hubris, more a lonely hearts club at the helm of a magic bullet. Away on a relentless bid for rarefied inertia. Rattle trap forks married to the patchy terra firma. Ursa minor getting warmer. I crowbar into the pecking order. The dreck between the whores and Betty Borders. Hug a double yellow spine, navy rubber like a rat on a rope. Those little fuckers run on passion alone. This is the product of a DIY inadequate home. Grabbing a cabin in the fuck of a dodge. Acting a savage in the shadows of Rome. Traffic amassed against insufferable odds. Fashioning gallows out of plastic and bone. I got the motor drone, walls of death splintering under me. All city galvanized bikes, white knuckling. Bright light tunnel, kings tucking the devil. P.S. I wrote this on a self-destructing memo. Aesop Rock dans Le Secret du Son d'Abba, première fois qu'on le diffuse, mon cher Grigoula, alors que pourtant. C'est un vieux de la vieille, hein. C'est un vieux de la vieille, les amateurs de hip-hop. Évidemment, le connaissent de longue date et on s'abstiendra de le présenter. Voilà, hip-hop version côte est. Qui est passé sur la côte ouest pour suivre sa femme, son Francisco. Tout récemment, au top, t'es au top, t'es au taquet. En tout cas, voilà, c'est la filière Mush, Definitive Jux, label d'Elpi. Voilà, c'est la Cannibal Hawks, etc. C'est aux côtés de ces gens-là qu'il a fait sa première partie de carrière. Désormais, il est sur Rhymesayers Entertainment. C'est le label des MF Doom, de POS, de Evidence, de Brother Ali. Pas on mal. N'est pas perdu, voilà, c'est ce hip-hop, la façon Pharoah et Munch, POS, justement, Soul ou d'autres, qui mélange astucieusement, parce que c'est très réussi, hein, cet album Skeletons, sorti à la mi-2012, mélange donc astucieusement électro-blippé, bondissante, orchestration un peu plus rock. Des samples qui nous viennent aussi bien de la musique blanche que de la musique noire. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui manie assez aisément. C'est un star de LP, quoi. Voilà exactement. Hein, un poteau. Avec des arrangements chiadés, des refrains chantés, des scratchs placés au bon moment et au millimètre. Voilà. Très bon album. Rien de plus. Pop. Très bon album. Skeletons chez Rhymesayers Entertainment. On poursuit, on arrive au rock. avec un grand disque de l'année 2013, j'ai pas peur de le dire, les confrères le disent aussi, donc comme ça je prends pas de risque. C'est le quatrième album de Stenge, les gars de Minneapolis, avec leur quatrième album qui s'appelle Empire and Weird, qui fait suite à l'excellent pourtant The Smoke of My Will. Et on retrouve le quatuor au top, hein, vraiment un noise rock qui là quitte un petit peu les influences vraiment pour faire gros, hein, Just Lizardienne, pour des choses plus Oxbow. On est sur des choses plus apaisées, mais alors du coup plus intrigantes. Intrigantes, merci. Plus tendues, plus bluesy. L'album commence comme un riff de AC/DC, mais évidemment ça part en couille. Vraiment, c'est un très très bel album. Ça sort en France chez Rejuvenation Records, et ça sort à l'international chez Modern Radio Records. Voilà, je peux peut-être qu'on en repassera deux extraits, parce qu'enfin il y a que 8 titres, mais vraiment c'est un superbe album. On écoute le morceau Adam Justified, et voilà. Que dire que c'est excellent. Stenge dans le secret du son d'abat. Did you think all the failures of your life would be arranged like little men made out of sand on the beach, and a giant wave would come crashing down and wipe them all out, wipe the slate clean? Is that what you thought would happen? Hors micro, DJ Melon me disait que Shine On Right est l'une des artistes que nous avons le plus diffusé dans le secret du son d'Abba depuis le commencement de cette émission, il y a plus de 4 ans maintenant. Et elle est de retour de nouveau dans l'émission, Shine On Right, avec tiré de nouvel album Infim Sound, sorti sur Vicious Circle, avec le morceau Captive to Nowhere, un album de la séparation, un album bien cru qui envoie la patate. Et c'est vrai, ça faisait presque 9 bonnes années hein, que Shine On Right n'avait pas fait un album aussi rock, diront certains. Elle est accompagnée par Kyle Crabtree et Todd Coog, la section rythmique des Feux Shipping News, excellent combo de l'Illinois qui a mis fin suite au décès de leur chanteur charismatique, chanteur aussi des Juno 44. Hein. Et voilà, que dire, que cet album Shine On Right est juste génial, il est vraiment très très beau. Il a laissé place à la rage, à la colère, quasiment la plupart du temps sur ce disque, mais de façon contenue quand même, c'est pas du death metal. Et voilà, c'est vraiment un très très bel album, voilà, que je peux que vivement conseiller. Et ne la loupez pas hein, sur scène, c'est toujours un grand moment. On poursuit avec Filia Mozza, on revient, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le concert du 1er mars, accueilli par le Galion à Lorient. Avec Trunks, à l'occasion d'une jolie tournée, d'une grosse dizaine de dates qu'ils ont eues en commun avant qu'ils poursuivent leur chemin chacun de leur côté, pour des dates séparément. Vraiment très très belle soirée, concert très enthousiasmant de part et d'autre, et ce qui m'a donné envie de revenir vers l'album de Filia Mozza qui vient de sortir, qui s'appelle Sentier des Roches, publié, alors c'est toujours un petit peu pareil avec les labels indépendants français aujourd'hui, on s'y met à plusieurs, c'est plus simple pour amortir les frais. Coups, ouais. Et les mauvais coups en cas de difficulté à fourguer les copies, hein. On connaît bien ça nous autres. Donc s'ils sont collés pour publier Sentier des Roches, donc Stylo Brick, les disques de plomb et Who's Brain. À noter que les disques de plomb est ce label qui publie aussi ces fameux 10 pouces qui avait occasionné cette rencontre, Zéro cette tournée. Marvin, voilà, Zéro Marvin. Et puis tout récemment, il y avait eu Nicolas Dick et voilà. Je sais plus qui. Un duo marseillais guitare batterie dont j'ai Binaire, peut-être bien. Je crois que c'était Binaire. Et puis là, donc Trunks, les Rennais et Filia Mozza, les Nancéens. On s'écoute un extrait de cet album Ziterne, qui reflète tout à fait l'esprit de ce concert qui mélangeait à la fois le jazz, le rock noise, des passages vraiment impro jusqu'à des plans vraiment drone ambiantes qui ont réussi à capter le public lorientais, ce qui n'était vraiment pas gagné d'avance, de les tenir en haleine, y compris sur des passages vraiment qu'on qualifie d'expérimentaux parce qu'on sait pas trop comment les qualifier, mais voilà, qui est des passages vraiment tout en tension, tout en retenue, tout en subtilité, soudainement voilà à milieu du rock avant de revenir vers cette énergie rock qu'ils savent aussi déployer. Rappelle-moi la formation. Alors c'est Anthony à la batterie et à la voix, Philippe au violon, voix, synthé, et Émilie violon et voix. Formation assez atypique du coup. C'est pour ça que je voulais que tu le soulignes. Et on leur fait un petit coucou au passage parce que il se trouve qu'on a fait une chouette rencontre avec eux à cette occasion. Filia Mozza dans le secret du son d'Abba, Ziterne sur Sentier des Roches. If I could just make it stop, I could tell the whole world to get out of the way. If I could just make it stop, if I could just make it stop, breaking my heart, get out of the way. If I could just make it stop. To the edge, I'm at the end of my rope. The rope is starting to thread. I'm trying to keep my hold. You say I'm something. Sécher vos larmes, les aminches, c'est le retour de l'eau dans le secret du son d'Abba. Nouvel album. Très très beau. The Invisible Way, toujours chez Sub Pop, toujours somptueux. Très, très beau. Voilà, voilà. Ce qui est génial avec l'eau, pour ceux qui le suivent depuis le début, c'est cette capacité à toujours essayer d'avancer, de prendre des risques avec leur musique, leur univers, etc. Et je trouve que c'est assez bateau de dire ça, mais finalement c'est pas si évident que ça. Ils sont d'une scène quand même très très atmosphérique, très pas cotonneuse, mais nuageuse, on va dire, très grise. Et ce groupe, il s'éclaire, il y a de la lumière, de plus en plus de lumière dans leur musique, et c'est toujours magnifique. Chaque album est différent. Ouais, il y a pas le même espace. Mmh. Là, c'est plus resserré. En même temps, chaque fois, qualité de composition, elles sont là, globalement, ouais, elles sont là, même si, bon, c'est pas forcément... Moi, je préfère peut-être le précédent à celui-ci, mais il y a vraiment de très, très beaux morceaux. Carrément, et il faut pas les louper en concert, parce que c'est magnifique aussi. Donc voilà, donc l'eau dans le secret superbe l'eau dans le secret du son d'Abba, et on change complètement d'ambiance, on monte sur la table, on met son petit shorty, et c'est parti. Foreign Beggars, ils sont dans la place depuis 2002 déjà, il y a 11 ans, donc ce quatuor hip-hop qui mélange dubstep, électro, hip-hop. et qui a appris en cours évidemment toute la vague grime, enfin tu appelles ça comme tu veux. En tout cas, vient de sortir un nouvel album, ça doit être leur 4e ou 5e. Il s'appelle The Uprising, il est sorti fin 2012. Voilà, après toute une série de d'albums plus ou moins autoproduits, de singles hyper percutants, parce que c'est leur, la force hein, de Flying Beggars, c'est surtout les EP plus que les albums. Des albums toujours inégaux parce que voilà, plus une compilation des EP voilà, qu'autre chose, et c'est toujours le cas. Non, mais c'est souvent le cas dans ce genre de musique, voilà. Hein, où ils se sentent un peu obligés. C'est, enfin, je dirais, c'est presque le jeu de l'industrie musicale que de faire des albums alors que ça ne leur convient pas à ces groupes-là, quoi. Voilà, et donc bah, c'est encore le cas cette fois-ci avec, et pourtant avec une recherche d'unicité qui était peut-être, qui est un peu nouveau en tout cas pour eux. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, moi j'ai pas d'avis particulier. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des purs tubes, il y a des essais, il y a des choses un peu, on reste toujours un peu sur le, un peu dans une hacké quoi des fois, voilà, mais il n'empêche que voilà, il y a encore des très bons morceaux, et ce qui fait dans des Anglais de Flying Beggars toujours une formation toujours intéressante, toujours sachant vraiment bien s'entourer, pas toujours collé aux derniers productions underground. Voilà. Là, on va écouter un morceau un peu drum and bass. Il faut savoir que la drum and bass revient en force en Angleterre depuis quelques mois. Évidemment, ils sont dans le coup. Avait-elle vraiment disparu Non, mais là, du coup, on en reparle. Voilà. C'est ça. Voilà, mais comme d'hab, évidemment, ça disparaît jamais. Mais en tout cas, ils se la réapproprient plutôt assez finement avec le morceau Mind's Eyes, tiré de ce nouvel album, The Uprising. Secret du son de bas, ne pouvait pas passer à côté de Flying Beggars qui seront en concert le 4 mai à l'Econova à Vannes avec Blackthrobe. Action! Black residue, like fossil fuels, we transcend it. I lay awake as your earthy being. soul turns, my soul burns. Last president, more than just a preface to purgatory. Peel back the skin and let the sun bleach the burgundy. jusqu'au bout ce petit hécatombe de Blood of Heroes, ce fameux super groupe qu'on avait déjà bien défendu. Bien défendu, même si on n'était pas à fond, mais en tout cas on trouvait que ça méritait. Et puis faut dire que c'est du personnel qui nous est sympathique. Hein, Home Resistance. Voilà, c'est donc ce super band monté par le patron de Home Resistance, Kurt Gluck, alias Submerge. Faut pas fond de ça ferme là. Voilà, au sein duquel on retrouve End User, Justin Broderick. Sur le premier album, il y avait Bill Laswell à la basse. Et un pas certain mal. Docteur Israël évidemment pour les featuring vocaux et tout un tas d'autres. Et puis voici le nouvel album The Walking Nightmare, toujours chez Home Resistance. C'est sorti, je sais plus si c'est sorti fin 2012 ou tout début 2013. En tout cas, ça reste de l'actu. Est-ce qu'il aura le même écho que le précédent? Ben, j'ai l'impression que non. C'est vrai que je lisais une chronique d'un d'ailleurs sur. Silent Weapon for Quiet War, un des bons webzines du moment sur toutes les musiques qui nous intéressent, et qui défendait ce disque tout en disant qu'il pressentait que la critique allait passer à côté, alors que globalement, je l'ai rejoint assez, il est globalement meilleur. Je me suis risqué à la comparaison, à revenir vers le précédent. Enfin, je me suis risqué, j'ai pris le temps, on va dire plus. Comme ça. Ah oui, il n'y a pas grand risque. Oh, c'est abyssal, là, je vais tomber. Ok, d'accord, Grigola. Je me moque. En tout cas, oui, le premier, peut-être, à la réécoute, souffre de certaines lourdeurs. Il n'y a pas vraiment de morceaux qui décollent. C'est un petit peu plat sur la longueur, ça manquait de relief. Mmh. Là, effectivement, c'est peut-être un peu plus présent. Il se risque aussi, moi j'ai envie de parler de R&B break, tu vois, parce qu'il y a carrément des passages auto-tunés où on sent qu'ils ont envie de se payer le billboard, tu vois. Alors, on va leur donner un conseil, je pense que ça sera pas cette fois-ci. Mais je m'avance un peu, hein, je me trompe. Mais bon, il y a des tentatives de morceaux un peu tubesques comme ça, chantés par Dr. Israël. Moi j'ai retenu celui avec Hécatombe, avec Tompa, un gars que je connaissais pas, et Joel Hamilton de Battle of Mice à la guitare. À noter que ça n'est plus Bill Laswell qui tient la basse, mais Tony Maimon de They Might Be Giants et Père Ubu notamment. Hein, donc, pas mal. Donc petit changement de personnel, pour le reste on retrouve les fondamentaux. Broderick, donc Docteur Israël, j'en ai parlé, Submerge pour le patronage, la coordination, End User pour ces fameux breakbeats qui bastonnent et qui cisaillent, et puis Ballads, Pandy, le batteur fou qu'on retrouve aux côtés de Merzbone, ou qu'on a retrouvé aussi aux côtés de Venetian Snares précédemment. Blood of Heroes. Dans le secret du son d'Abba, c'était bon. On poursuit avec Dimensia. Avec Dimensia. Alors, Dimensia, c'est la scène de la Bay Area qu'on avait défendue dans une précédente émission. On avait passé Resurrector. C'est la bande de Dark Matter Sound System. Ils sont une petite dizaine d'activistes paumés dans leur coin, là, entre Los Angeles et San Francisco. Comme quoi, la scène breakcore, elle existe aussi, voilà. West Coast. Quoi. Alors, elle existe West Coast. C'est vrai que tu me disais, mais ils doivent être paumés là-bas, ils doivent avoir du mal. Alors, entre temps, il se trouve que pour d'autres raisons, pour des raisons d'échange de disques, etc., je suis entré en contact avec une des personnes que je connais, Nemeton, pour ne pas la citer, et qui a passé une partie de ces dernières années à Berlin et qui est revenu par là-bas et qui me disait, mais tu croiras si tu veux, mais il n'y a plus personne qui achète de disques. Nous, on met quelques copies au principal disquaire de Frisco, là, à Memboa, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, l'énorme disquaire. Il n'y a guère que là qu'on nous en prend. Ailleurs, on n'a pas de distribution. Plus personne n'achète de vinyle. Il n'y a guère que nous. Enfin, elle est assez catastrophée de la situation, en tout cas pour ce genre de musique-là aux États-Unis. C'est un petit peu dommage. Alors nous, on a quand même envie de la défendre. On apprécie le travail qu'ils font, qui est sur des bases, hein, je l'ai toujours dit, électro-radicales. C'est des gens qui ont écouté Imminente, qui ont écouté Sulfuric, qui écoutent encore beaucoup Somatic Response, ces gens-là, qui sont fans de ce qui s'est fait à Rome dans la scène underground des années 90. Ils manient les... plutôt le hardware, hein, par opposition à l'environnement informatique. Ils sont plutôt sur des vieilles bécanes, les SH-101, les machines de chez Roland, pour simplifier, et un certain nombre d'autres. Et ils font une électro-break vraiment racée. Capable de jouer en live. Voilà, qui est vraiment... Que moi j'aime depuis toujours, depuis que je te connais. Et que je prends plaisir à défendre. Alors, on va s'écouter un extrait d'un split entre Dimensia et Split Horizon. C'est le split EP, tout simplement, sorti par Void Tactical Media. Et on va s'écouter le morceau jamais vu, et c'est du vinyle. Dimensia dans le secret du son d'abat. Rame dans le secret du son d'Abba. Ça n'est donc pas la première fois qu'on les diffuse, mais c'est la première fois qu'ils, en tout cas moi, me touchent autant. C'est vrai qu'ils ont franchi un palier. Moi, j'aimais beaucoup la dimension, la capacité à meubler l'espace avec une architecture à la fois squelettique mais imposante. C'était leur savoir-faire un petit peu à la suite de gens comme Scorn, mais dans une dimension peut-être plus technoïde que ce que peut avoir fait Mick Harris de Scorn. Voilà, là avec ce premier album, vraiment ils arrivent à dégager quelque chose qui est plus vivant, qui est plus porteur d'émotions, toujours avec cette capacité à développer des rythmiques vraiment impressionnantes. Alors moi je pense pêle-mêle à See Feel, au label Reload Ambient par exemple, et puis plus récemment à Ben Frost ou à Rolly Porter, plus pour les ambiances que pour l'architecture rythmique pour le coup. Ça sort chez Blackest Ever Black, c'est ce label londonien monté par un des journalistes du Fact Mag, le webzine anglais bien connu. Donc c'est évidemment pour ça que ça a une plutôt bonne résonance, c'est bien dans la place. Et en même temps c'est très bien. Donc et c'est cool. Très beau. Et l'album il est classe comme ça, je dirais qu'il est surtout prometteur à défaut d'être absolument parfait de bout en bout. Parfois on aimerait que ça se développe un petit peu plus, on reste un peu sur sa fin sur certains morceaux. En tout cas voilà, il y a un niveau qui est passé à mon sens dans la musique de ce duo londonien et on en est bien content. Et l'album s'appelle Quarter Turns Over a Living Line et c'était le morceau Your Cast Will Tire. On poursuit et on quitte l'Angleterre pour un autre grand empire, l'Empire russe, avec le groupe, je crois qu'on n'a jamais passé. Pour le coup, non. Non, hein, vraiment, pourtant, ils sont excellents depuis leur début. C'est le groupe UCI. U23SY, ils sont de Moscou si je me souviens bien, ils jouent jusqu'à maintenant une noise rock vraiment assez géniale, assez fine. On pensait à Flying Lotus Barrer, on pensait à Distorted Pony, on pensait au vieil héritage de Sonic Youth, vraiment voilà, très très très chouette groupe qui sortait des très très beaux albums. Et en 2012, on a sorti deux. Un premier qui s'appelle Carpet Birch, vraiment dans ce qu'ils ont fait de mieux hein, jusqu'à maintenant. Et un second qui s'appelle Afghan House Music et qui l'a vraiment, vraiment c'est magnifique. J'explique tout rapidement. L'idée c'est de mélanger. Les musiques, les samples de musique afghane et leur noise rock sonic. Et si d'habitude, et je rejoins l'ami Don Lurie de Kafuel Kerosene là-dessus, c'est vrai que si d'habitude c'est quand même hyper casse-gueule cette histoire de sampling sur du noise rock, là vraiment c'est très très très juste, c'est très très beau. On va écouter un extrait qui s'appelle Lion Meets Battlesnake et Rattlesnake. Merci la production. Et on écoute donc tiré de cet album, oui, Afghan House Music. J'ai toujours pas vu de sortie physique de ce disque, pas mais à ma connaissance, non. Voilà, mais en tout cas, je vous invite à écouter sur le Bandcamp du groupe cet excellent album. Très enthousiasmant, en effet. Ouais. Puis ça guinche en fait. Voilà, c'est vrai que Gwendal Donnery parle de l'effet qu'avait fait. Voilà, j'y arrive pas là. Ziaq et Tom Cora à l'époque. Il y a un peu de ça dans cet album de UCI. Et voilà, je crois bien d'ailleurs que les amis de Kafuel guettent la possibilité, voilà, de les faire jouer dans nos contrées. Et ben ça serait avec un grand ravissement de pouvoir les voir. Je vous laisse avec UCI dans le secret du son d'Abba. Anglais de Art of Burning Water avec leur troisième album This Disgrace, c'est pas des petits nouveaux, moi je les suis depuis leur début, c'est chez Riot Season et Superfill Records. Voilà, c'est leur troisième album, sûrement leur plus abouti, très clairement sorti en ce début d'année 2013. Voilà, d'une violence étourdissante pour du noise rock post-hardcore métallique, diront certains. En tout cas, voilà, les fans de des groupes qui ont suivi Neurosis et qui ont suivi Zinigeva ou Today the Dead devraient y retrouver leur bébé. En tout cas, voilà, un très bon album. C'est le morceau le plus long à peu près de ce qu'on a écouté. Il y a des choses un peu plus avec quelques éléments électroniques dedans. Voilà, vraiment, ça envoie la purée en l'espace d'une demi-heure. On en prend plein les mirettes. C'est vraiment très bien vu et je pense entre autres à des contemporains comme Eikolusus, compatriote anglais excellentissime qu'on avait pu voir à l'excellent festival Câble. Et aussi on pense aux Belges d'Ultraphalus qu'on a aussi passé dans l'émission. Vraiment, Art of Burning Water cultive sa singularité, on peut dire, et ça leur va comme un gant. Câble qui revient finalement au mois de mai 2013 avec déjà une belle pré-programmation qui nous tarde de continuer à découvrir. On en reparlera peut-être. On termine sous le signe de l'ambiante cryptique et organique à la mode Dame Dykistair ou Rolly Porter avec le projet d'un monsieur qui s'appelle Miles Whittaker qui joue sous le nom de Sum Quickie, je ne sais pas du tout comment on prononce cette affaire-là, surtout à l'anglaise, sur l'album Ascetic Ideals. Ça s'est sorti par Modern Love. Alors on disait tout à l'heure que Bacchus Ever Black avait son sa petite renommée, notamment grâce à ses entrées dans le circuit des gens qui comptent Fact Mag et compagnie. Là c'est le cas aussi avec le label Modern Love qui sort cet LP, puisque c'est l'un des labels du disquaire en ligne Boomcat, anciennement Pelicanek. Ouais, tu nous en as déjà parlé. De Manchester, ouais. Donc évidemment ils sont dans la place et effectivement les disques de ce label ont une très très belle visibilité. C'est un chouette disque austère mais avec des éclaircies mélodiques, volutes, magma, en cuisson à l'étouffée, tu vois. Ça chauffe doux mais ça chauffe dur, quoi. Voilà, drone tellurique, résonance, crépitement, tout y est. Panoplie assez riche finalement pour cet album que j'ai vraiment bien aimé. On va s'en écouter un extrait. L'ambiance du printemps, quoi. Voilà, c'est l'ambiance. Tout à fait, voilà, c'est ça. les giboulées de mars et la brume de février mélangées. C'est parti, on se quitte là-dessus. On s'écoute Dionysus Decay sur Ascetic Ideals chez Modern Love, l'album, le deuxième album de Sum Quickie dans le secret du son d'abat. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Merci David pour la technique. Merci Petit Poney pour les cellules. À bientôt.